Ce soir, je suis pas rentré. J'ai pas rodé. Tard la nuit, Champs-Élysées. La bague de nuit m'a filoché. Les idées claires, la cristalline est mélangée. Prends pas la tête, j'ai pas changé. Hey, maman m'appelait tous les jours pendant que j'attendais mon tour. J'étais au studio, pas dans le four. J'suis désolé si ce soir j'suis pas rentré. J'ai quitté la maison, j'ai quitté l'arrondissement. On se prévenait toute la nuit. Chacun fait sa route en grandissant. Cheba, cheba, cheba, cheba, cheba, cheba. J'suis un cheba, cheba, cheba, cheba, cheba. Trop sûr de mon karaté. Non, je crois qu'ils ont pas capté. Trop sûr de mon karaté. J'suis donc là, j'ai vite tenté. La street ne peut pas me louper. Ça me check, mais c'est que du vent. Ils veulent que me voir fauter. Oh, on n'est plus deux enfants. On se voit plus, ça fait longtemps. Ah là là, c'est vrai que ça fait grave longtemps. C'était charme le bon vieux temps. Ah là. J'ai quitté la maison, j'ai quitté l'arrondissement. On se promenait toute la nuit. Chacun fait sa route en grandissant. C'est la Ravirati, on fait croquer, on est bavons, hein. Igo c'est comment, on reprend les commandes. Tu sais déjà qui c'est, on va pas faire de semblant, hein. On n'est plus deux enfants, on se voit plus ça fait longtemps. Ah là là, c'est vrai que ça fait grave longtemps. C'était Charles le bon vieux temps. Ah là là. J'ai quitté la maison.